بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نواصل أيها الإخوة في هذا الباب باب التجديد في طلب العلم للمراء والجدال on continue ce chapitre le chapitre concernant la dureté liée à l'apprentissage de la science pour le débat. Aujourd'hui, on verra deux hadiths, enfin c'est un hadith, mais l'auteur donc qui a cité ici, qui les a comptés, donc qui a compté deux hadiths parce qu'il y a deux narrations différentes. Il nous dit donc, وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحبكم إلي وأقربكم مني يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مساوئكم أخلاقا الثرثارون المتشدقون المتفيهقون رواه البيهقي في شعب الإيمان. Et donc selon Abi Tharaba al-Khushani radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, celui d'entre vous que j'aime le plus et celui qui sera le plus proche de moi au jour de la résurrection yawm al-qiyamah, ou du moins ceux que j'aime le plus, et ceux qui seront le plus proches de moi au jour de la résurrection, ce sont ceux d'entre vous qui ont le meilleur comportement. Et ceux d'entre vous que je déteste le plus, et ceux qui seront le plus éloignés de moi, sont ceux d'entre vous qui ont le plus mauvais comportement. Al-Farfaroun, ensuite il explique ces gens qui ont un mauvais comportement. Al-Farfaroun, Al-Mutashaddiqoun, Al-Mutafayhikoun. Et tous ces trois termes-là, on va les expliquer, Inch'Allah Ta'ala, rapporté par Al-Bihaqi dans Shu'ab al-Iman. Et ensuite, l'auteur qui nous dit, donc le numéro 135, Walid Tirmidhi Nahwuhu. Et Al-Tirmidhi, il a rapporté donc le même hadith selon Jabir radiallahu anhu. En réalité, les termes donc, qu'a cité Al-Tirmidhi ne sont pas les mêmes termes, comme il a dit l'auteur, Nahwuhu, donc des termes semblables, qui ont donc un hadith qui a le même sens. At-Tirmidhi, ba'da dhikri al-hadith, hassanahu. At-Tirmidhi, après avoir cité le hadith, il a jugé hassan. Idhan, ayyuha al-ikhwa, nahnu ra'ayna ahammiyata talab al-ilm. On a vu l'importance d'étudier la science. Wa ra'ayna ahammiyata islah an-niyyati fi talab al-ilm. On a vu l'importance de faire attention, d'accorder une importance à l'intention lorsqu'on va étudier la science. وَرَأَيْنَا كَذَلِكَ أَنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ لِلْجِدَلْ يُخَالِفُ النِّيَّةِ الصَّالِحَةِ. Et donc on a vu que le fait d'étudier la science pour débattre avec les gens, pour mettre en avant sa science, ses connaissances, cela contredit la bonne intention. وَكَذَلِكَ الْجِدَلْ يُنَافِي الْأَخْلَاقِ الْحَسَنَةِ. Et aussi le débat, il va contredire le bon comportement. وَالْأَخْلَاقِ أَوْ الْأَدَابِ أَمْرٌ مُهِمْ جِدًا. Le bon comportement, c'est vraiment un sujet qui est très important, ô chers frères. فَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَهَمِّيَتِهِ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن كما قالت عائشة رضي الله عنها. Et parmi les éléments qui montrent l'importance du bon comportement, le fait que le prophète صلى الله عليه وسلم, son comportement était le comportement situé dans le Coran, qu'il est cité dans le Coran. خلقه القرآن, son comportement, c'est le Coran. Ça veut dire que tout ce qu'il fait dans son comportement est dans le Coran. Et donc, il est important, oh chers frères, que nous aussi, nous prenions exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous a ordonné de le faire. Il nous a ordonné de le faire. وَكَذَلِكَ لِيُعْلَمْ أَيُّهَا الْإِخْوَةِ أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لأمور مهمة. Le prophète صلى الله عليه وسلم, il a été envoyé pour plusieurs choses importantes. ومنها حسن الخلق. Et parmi ces choses, il y a le bon comportement. Comme il dit صلى الله عليه وسلم, إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Certes, j'ai été envoyé afin de parfaire les bonnes mœurs. J'ai été envoyé afin de parfaire les bonnes mœurs. فَهَذَا مِنْ أَهْدَافِ دَعْوَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Et donc cela fait partie des objectifs de sa prophétie, la prophétie du prophète صلى الله عليه وسلم. وَقَدْ ذَكَرْنَا أَيُّهَا الْإِخْوَةَ مَا أَخْرَجَهُ أبو داود في سننه عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. On a déjà cité dans cette mosquée le hadith qui est cité dans le Sunan de Abi Daoud selon Abu Darda, qui dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: il n'y a rien qui soit plus lourd dans la balance que le bon comportement. Rien. Et on avait mis un autre hadith en opposition à celui-ci. Le hadith de Al-Bitaqa, la carte. Et donc cet homme qui va se retrouver Yawm al-Qiyamah avec plein de péchés, à perte de vue. Et il n'a pas de bonnes actions, sauf la ilaha illallah. Et que cette parole, la parole de l'unicité, va peser plus lourd que tout ce qu'il a accompli comme péché. Et donc on comprend de ce hadith que la ilaha illallah est plus lourd que toute chose. Et donc comment on fait pour rassembler les deux hadiths? Est-ce qu'une personne, je vous dirais un kafir, qui a un bon comportement, tu le vois toujours souriant, bonjour monsieur, même il vient nettoyer la mosquée. Kafir, est-ce que je peux venir nettoyer votre mosquée s'il vous plaît? Il vient, il nettoie la mosquée, il repart, etc., etc., etc. Il meurt kafir. Est-ce qu'on va dire ici que son bon comportement est plus lourd dans la balance que son kufr, que sa mécréance? Et donc comment on fait pour rassembler les deux hadiths? Le prophète, il nous a dit, il n'y a rien qui soit plus lourd dans la balance que le bon comportement. Le comportement envers Allah. On a dit husnul khuluq yanqasimu ila qismayn. Le bon comportement se divise en deux. Husnul khuluqi ma'al khaliqi wa husnul khuluqi ma'al makhluq. Le bon comportement envers le créateur et le bon comportement envers les créatures. Il te faut les deux impérativement. Et donc il est important de comprendre au chef car notre religion accorde une très grande importance au bon comportement. Falidhalika katabat al-ulama كتبت العلماء الكتب والأبواب في هذا الموضوع. Et c'est pour cela que les savants, ils ont écrit des livres et des chapitres sur ce sujet. Al-Muwatta de l'imam Malik, on a dans Sahih al-Bukhari. Al-Bukhari, il a même fait un livre spécifique sur le sujet, Al-Adab al-Mufrad, etc., etc. Il y a beaucoup de livres qui abordent le sujet du comportement parce que c'est quelque chose d'important dans notre religion. لا ينبغي للمسلم أن يفرط في هذا الباب. والإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في هذا الكتاب المتعلق بأصول الإيمان يذكر لنا حسن الخلق. Et l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah, dans ce livre qui est lié au fondement de la foi, il nous cite le bon comportement. إذن في هذا الحديث أيها الإخوة أن من أحسن خلقه من أحسن خلقه فكان من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا ومن أقربهم إليه يوم القيامة. Celui donc qui fait attention à avoir un bon comportement, il fait partie des plus aimés du prophète صلى الله عليه وسلم ici-bas. Et dans l'au-delà, il sera donc parmi ceux qui sont les plus rapprochés de lui. أما من أساء خلقه. Celui qui a un mauvais comportement, فهو من أبغض الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة من أبعد الناس إليه. L'inverse pour celui qui a un mauvais comportement. Ici-bas, donc, il fera partie de ceux qui sont les plus détestés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans l'au-delà, il fera partie de ceux qui sont les plus éloignés de lui. Li'anna, parce que ce mauvais comportement éloigne les gens de la vérité. Ce mauvais comportement éloigne les gens de la vérité. Combien de fois on le dit et combien de fois on le voit, on le constate? Le mauvais comportement que certains peuvent avoir éloigne les gens de l'islam. Les gens attribuent ce comportement-là à l'islam. À ça, c'est les musulmans. Et donc, il faut qu'on fasse très attention à ne pas être la cause d'égarement de certaines personnes par notre comportement. وكذلك أيها الإخوة النبي صلى الله عليه وسلم وصف لنا شيئا من هؤلاء الذين أساءوا في أخلاقهم. Et le prophète صلى الله عليه وسلم dans ce hadith il nous a cité quelques caractéristiques de ces personnes qui ont eu un mauvais comportement. Et donc il nous cite صلى الله عليه وسلم الثرثارون. الثرثارون هم الذين يكثرون الكلام. الذين يكثرون الكلام. الثرثارون, ce sont ceux qui parlent beaucoup. Ceux qui vont parler beaucoup sans maîtriser ce qu'ils disent, sans faire attention, sans distinguer. Ils parlent, ils ne s'arrêtent pas. Sans distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. Il nous a aussi cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-mutashaddiqoun. Al-mutashaddiqoun hum al-mutawassi'oun fil kalam min ghayr ihtiraz. Et donc ce sont ceux qui vont donc s'étaler. Ils vont s'étaler lorsqu'ils vont parler. Il commence sur un sujet et il s'étale. Sans donc faire attention, sans distinguer ce qui doit être dit et ce qui ne doit pas être dit. Et donc les deux premiers mots qu'on a vus sont très proches. Le troisième aussi, même chose. Le troisième, al-mutafayhiqun. Ils nous disent les savants, ce qui est voulu ici, c'est humul ladhina yatawassa'una fil kalam. وَيَفْتَحُونَ بِهِ أَفْوَاهَهُمْ. Et donc en fait ce sont ceux qui s'étalent beaucoup lorsqu'ils parlent et qui vont donc ouvrir beaucoup leur bouche. C'est ça qui est voulu ici. المتفيهقون, donc c'est un terme qui est utilisé pour le fait de concrètement beaucoup ouvrir sa bouche. Et donc ici en fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous met en garde contre le fait de beaucoup parler. Il nous met en garde contre le fait de beaucoup parler. Toutes les plaisanteries que parfois on fait et qui en réalité nous font tomber dans l'illicite. Et parfois, lorsqu'on ne fait pas attention à nos paroles, ou très souvent, on oublie cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est interrogé concernant « Mais aktharu ma yudkhilun nas an-nar » Qu'est-ce qui fait le plus rentrer les gens dans le feu ? Ça, c'est un hadith qu'on a vu dans l'Adab al-Mufrad al-Bukhari, sur le comportement. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, al-ajwafan. Al-ajwafan, les deux orifices. Ce qui est voulu par là, donc les parties intimes et la bouche. Parce que les gens ne maîtrisent pas, lorsque les gens ont du mal à maîtriser ces deux-là, la bouche ou les parties, cela cause leur perte. Et donc, on doit faire attention, chers frères, à notre comportement et notamment à ce qu'on dit et au fait qu'on doit maîtriser nos paroles, ne pas chercher tout le temps à parler. Ce n'est pas le comportement des gens de science, ce n'est pas le comportement de tout le ilm. Si tu parles, c'est pour dire quelque chose de profitable. Voilà pourquoi il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khayran aw liyasmut. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, alors qu'il dise du bien, quelque chose qui t'est profitable, ou alors qu'il se taise. Ou alors qu'il se taise. On continue demain, inshallah ta'ala, wa faqallahu al-jami'a lima yuhibbuhu wa yardah, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa jazakumullahu khayran.